semble que quand tu le décides. Ô belle déesse que puise ma source dans ton adresse. Continue à faire rêver. Continue à faire rêver. On en a bien besoin. On en a bien besoin. On en a bien besoin. Il semblerait que l'on s'aime encore. Il semblerait.